Sorgia FM. Sorgia. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Une émission proposée par Hubert Ledin. Un peu de chansons et d'accordéon, il est venu le temps du rêve. Place à la passion, teintée d'émotion, c'est un nouveau jour qui se lève. Des paillettes se sont mises à briller sur votre radio. Il est temps de danser maintenant. Chansons de toute la France donneront un air de vacances à la vie qui court toujours. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Dansez maintenant. Vous l'avez peut-être remarqué, en ce moment ça bouge pas mal. Eh bien nos animateurs bougent aussi. Et donc je serai seul aujourd'hui pour vous présenter cette émission, mais j'y mettrai tout mon cœur. Bienvenue à toutes et à tous encore. Voici le show. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Sorgia FM. Alors aujourd'hui, eh bien, pas de blabla, mais surtout des résultats. Et oui, la musique est à l'honneur aujourd'hui, tout simplement avec les plus beaux morceaux d'accordéon, de chansons françaises et de danse, avec même du Madison, du reggae. Il y aura de tout aujourd'hui. Rien que pour le plaisir des oreilles et pour le plaisir de vos petits pieds, j'en prends soin un petit peu. Alors, on va commencer tout de suite en dansant la valse avec un célèbre morceau accordéon musette. Ça fait du bien, une petite valse comme ça. Alors là, on part dans le sud-ouest. Michel Etcheverry, olé, olé, olé. Bah oui, c'est trois fois. C'est comme ça, c'est le titre. On y va. Dios te salve Maria, del Rocío Señora, luna son noche ella, y pastora. Yeah.

c'est un air de chez nous et quand la cloche sonne, il faut rentrer chez nous. Cette petite valse, charmante d'ailleurs, s'intitule « C'est un air de chez nous ». Et cette valse, eh bien écoutez, je l'ai composée il y a quelques temps, il n'y a pas très très longtemps de ça, avec mes amis savoyards, un duo que vous connaissez, qui s'intitule « Le duo des montagnes ». Le duo des montagnes, eh bien ils sont deux, comme leur nom l'indique. Il y a bien sûr à l'accordéon Cyril Denray, qu'on ne présente plus, et puis bien sûr sa charmante épouse Virginie, Virginie Denray évidemment. Alors bien sûr, nous allons continuer à danser, puisqu'on est venu pour ça. Je voulais dire en début d'émission, la chanson française évidemment, l'accordéon et puis tout ce qui se danse sera bien sûr au programme de cette émission. On va enchaîner dans quelques instants avec un joli passo-doble. Allez, on est parti. Dansez maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledan. Sorgia FM, Sorgia. We'll be right back. Olé, El Paso del Sol, c'était Christophe Pesset, évidemment. Allez, quelques petites notes viennoises et juste après, un petit boston. Cette danse commence, unissant nos pas. Je suis bien quand je danse avec toi. Et ce rêve soulève mon cœur en émoi, m'emportant où le bonheur est roi. Ta grâce m'enlace en tourbillonnant, que nos valsons inlassablement. Tu es belle, rebelle et frêle à la fois. Je suis bien quand je suis dans tes bras. Que j'aime suivre la source qui me mène jusqu'à toi. Dansons la nuit et si douce, elle scintille déjà. La romance, la danse s'unissent et déjà c'est une chance qui n'en finit pas. Et mon âme s'enflamme au son de ta voix. Je suis bien quand je suis près de toi. Je suis bien quand je suis dans tes bras. Sorgia FM. Je vous l'avais promis, le voici, le Madison, et juste après on danse le reggae avec Jérôme Robert. berceau, les fleurs de toutes les couleurs. Aria Léo, t'invite au bonheur, oublie tous tes pleurs. Aria Léo, ohé, ohé, on va danser le reggae. Ici t'es ok, viens on va chanter sous les cocotiers. Ohé, ohé, la musique nous fait rêver. Il suffit d'y croire, voilà le soleil et les plages dorées. On va lancer le reggae. On est emporté dans une folie. Allez, allez, oh. Avec le reggae, fini les soucis. Je veux danser tout l'après-midi. Allez, allez, oh. Pour serrer plus fort, on a toute la nuit. Allez, allez, oh. C'est magique, ça donne envie de chanter. Quand tu veux t'amuser, on est là pour jouer. Allez, viens, si tu aimes, il faut danser. Il faut bien s'aligner, ne pas se décaler. Tiki-ti-ti-tou, tiki-ti-ti-tou. Et oui, c'est vrai, je sais vous apprécier Jérôme Robert, alors moi je vous propose un deuxième morceau, interprété toujours par Jérôme Robert. Il a suffi d'une nuit pour dénouer nos deux vies. Sans drama, quitté sans bruit, et par orgueil je l'ai laissé partir sans la retenir. Une rose pour Sandra peut sauver notre amour en lui faisant comprendre que je l'aime toujours. Ah, c'est quand même doux, c'est quand même agréable d'écouter Jérôme Robert à l'accordéon, avec souvent son père Gilles qui l'accompagne dans les bals. Nous allons dans quelques instants voyager un petit peu. J'ai décidé de vous emmener tout d'abord en Pologne avec un orchestre merveilleux du Nord. Bien sûr, il s'agit de l'orchestre Kubiak. Vous allez écouter ça, c'est bien ça. Dansez maintenant sur Sorgia FM, Hubert Le Dent. Sorgia FM. Sorgia. Chodźcie wszyscy do kółeczka, zatańczymy, aż będzie dzień. Wszyscy razem, chłopcy i dziewczyny, aby z serca znikła cień. Nie odmówcie zaproszenia, do gromady przybliżcie się. Ręka w rękę, butem mocno tąpnij, tańcz do i zmęczysz się. Plankę wina białego, wtedy wypij swoją dziewczyną i prędko ginie żal, gdy muzyka odbiera wal. Razem zaśpiewaj głośno wino i taniec na ciebie wrażę. Chodźcie wszyscy do kółeczka, zatańczymy, aż będzie dzień. Wszyscy razem, chłopcy i dziewczyny, aby z serca znikła cień. Après ce voyage en Pologne et cette belle musique qu'on a appréciée, voici maintenant un autre voyage que je vous propose. Il se situe en Italie et cette chanson s'intitule Sul Cappello. Thank you. Allez, on va flâner sur les grands boulevards. Bernard Marly. Les grands boulevards, superbe chanson interprétée à l'origine par Yves Montand, bien sûr, vous l'avez reconnu. Et là, c'était à l'accordéon l'incomparable, l'unique Monsieur Bernard Marly. Sorgia FM, Sorgia. Lancez maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledent. Allez, c'est reparti avec une petite valse, 1, 2, 3, guinguette, c'est le générique d'une émission d'accordéon, évidemment, que vous connaissez peut-être. Allez, c'est parti, 1, 2, 3, guinguette. chante les amourades dans toutes les régions. Un, deux, trois, guinguette, rendez-vous, musette. L'accordéon, le carangoguette, c'est toujours la fête, tout près de Charenton. Enlacés au bord de la Seine, on ne pense plus à nos problèmes. Un, deux, trois, guinguette, chante les amourates dans toutes les régions. Apparemment, vous avez aimé danser le Madison. On en fait un petit deuxième si vous voulez bien. Si tu aimes t'amuser, tu si nous pour rigoler. Magie des mojitos, des cafés renversés, tu iras pas t'ennuyer. Et sans aucun souci, tu trouveras des amis qui parlent de cet endroit. Et si tu veux y croire, il faut venir le voir. Ça sent la fête ce soir. Alléluia. Oh là, on est chez Paco. Oh là, on est fantastico. Oh là, on est chez Paco. Oh là, on est fantastico. Alors on a dansé le Madison, le Coudreau et voici maintenant la Tarentelle. Thank you. Il va être temps, bien sûr, de se dire au revoir pour cette semaine. On se quitte avec Alain Morisot et les Sweet People. J'espère que la semaine prochaine, l'équipe sera au complet. Au revoir à toutes et à tous. Je vous embrasse. Longtemps, je t'aimerai. Bien plus loin que ma vie, plus loin que ma mort. Pour toujours, je promets de faire vivre au fond de toi tes rêves et tes désirs près de moi. Jamais plus tu ne pleureras. À jamais réunis, ensemble on s'en ira jusqu'au bout de l'endroit où le ciel et la mer font l'amour. Chaque nuit, eux aussi. Je donnerai mes yeux pour toi si tu n'étais plus là. À quoi me servirait regardez le ciel, il ferait nuit en plein soleil. Reste je là, là quand tu voudras. Jure-moi. Je te jure sur le Dieu que j'ai en moi. Je n'aimerai que toi. Longtemps je t'aimerai. Longtemps je t'aimerai. Longtemps je t'aimerai. Bien plus loin que ma vie, plus loin que ma mort. Longtemps je t'aimerai. Sorgia FM.